بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنتابع ونواصل في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Donc nous continuons, nous poursuivons l'explication donc des trois fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. فيقول الإمام رحمه الله ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. C'est-à-dire la preuve donc que, du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le verset dans lequel Allah dit « Il vous est certes venu un messager parmi vous. » Il a akhir l'ayat jusqu'à la fin du verset. « وكذلك من الأدلة على هذا قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد n'a jamais été le père de l'un d'entre vous, car le prophète n'avait pas de fils. Mohammed n'a jamais été le père d'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc tout ceci sont des preuves que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. ومعنى شهادة أن محمدا عبد أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Et la signification, ce qu'implique le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, ce témoignage implique quatre choses. La première des choses, ta'atuhu fima amar, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. En le faisant, en l'appliquant. La deuxième des choses que cela implique, que ce témoignage implique, tasdiquhu fima akhbar, de croire à tout ce dont il nous a informé. La troisième chose, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, de s'écarter et de délaisser tout ce qu'il a interdit. De nous éloigner de tout ce qu'il a interdit. Et la quatrième des choses, Allah yu'bad Allah illa bima shara, que l'on adore Allah que selon sa législation. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فشهادته أن محمدا رسول الله تشتمل وتستلزم وتقتضي هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة عفوا هذه الأمور الأربعة. Donc le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah implique ces quatre choses: que tu lui obéisses dans ses ordres et que tu crois à ce qu'il a dit et que tu t'écartes de ce qu'il a interdit et que tu n'adores Allah que selon sa sunna, que selon sa législation. ثم قال الإمام ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et la preuve que la prière et la zakat font partie de l'islam Et l'explication du tawhid, l'explication de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve de tout cela est comprise dans le verset de la surat al-Bayyina, surat la preuve, numéro 98, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et il ne leur a été ordonné, et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. » Hada tafsir al-tawhid. Ça c'est donc l'explication du tawhid. Il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et d'accomplir la salat, d'accomplir la prière, et de s'acquitter de la zakat. Et ceci est la religion de droiture. Ceci est la religion de droiture. Donc ce verset est une preuve que la prière et la zakat font partie de l'islam. Wa dalilu siyam qawluhu ta'ala Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et la preuve donc que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire et qu'il fait partie des piliers de l'islam, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vivaient avant vous. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le jeûne nous est prescrit. Awjabahu Allahu 'ala al-muslimin, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire sur les musulmans. Tout comme il était obligatoire sur les peuples qu'il y avait avant, les juifs et les chrétiens. Également, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de jeûner. Mais le jeûne des juifs et des chrétiens diffère du jeûne des musulmans. Le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit aux juifs et aux chrétiens est différent dans sa forme du jeûne qui était prescrit aux musulmans. ثم قال الإمام ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Et la preuve de l'obligation du pèlerinage, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Il est une obligation pour les gens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour Allah, pour celui qui en a les moyens. Allah nous dit dans le verset. Il est une obligation sur les gens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour Allah, pour celui qui en a les moyens. وقد ذكر العلماء أن الاستطاعة تشتمل على شيئين تشتمل أو تشمل أمرين. Et donc les savants ont défini les moyens qui sont cités dans ce verset. Elle dit: comment on sait qu'une personne a les moyens de faire le pèlerinage et comment on sait qu'une personne n'a pas les moyens d'aller faire le pèlerinage? Les savants ont défini ces choses-là. Et ils ont dit que les moyens requis pour faire le pèlerinage comprennent deux choses. Istita'atun maliya. La première, istita'atun maliya. C'est-à-dire avoir les moyens financiers. Avoir les moyens financiers. Ceci est la première des choses, en avoir les moyens financiers. Comment on sait qu'une personne en a les moyens financiers? Ils l'ont aussi défini. وَهِيَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنسَانِ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ فِي سَفَرِهِ لِلْحَجِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَمَا يَكْفِي مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَوْلَادٍ وَوَالِدَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. Donc les moyens financiers, c'est que la personne, il a en argent ce qui lui suffit à lui pour payer son pèlerinage, aller et retour, et tout ce qu'il a besoin donc pendant son pèlerinage. et qu'il ait également de l'argent suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, sa femme, ses enfants et ses parents, si jamais ils doivent subvenir aux besoins de ses parents. Il doit avoir aussi toute cette somme-là aussi, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille pendant son absence, jusqu'à ce qu'il revienne vers eux. Un exemple. Combien coûte le Hajj actuellement? 4500. Combien? 4500. 4500 francs ou euros? La ilaha illallah. Donc, le pèlerinage pour quelqu'un venant de France, donc, coûte, de ce qu'on me dit, 4500 euros. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc 4500 euros. Ça c'est quoi? C'est juste pour le voyage. Sans compter sa nourriture, rajoutons-lui 500 euros. Hein? Disons que 5000 euros, ça c'est donc pour son voyage. Après, s'il veut acheter des cadeaux, ça c'est une autre histoire. Donc, pour son voyage, donc, il a besoin déjà de quoi? De 5000 euros. Et imaginons que son voyage dure un mois. Imaginons que son voyage dure un mois. Donc, il faut qu'il donne, qu'il laisse à sa famille, qui vont rester ici, il faut qu'il leur donne l'argent suffisant pour qu'ils aient de quoi se nourrir pendant un mois. Pendant un mois. Combien coûte environ, combien dépense quelqu'un en nourriture et en loyer, combien lui coûte pour un mois? Takriban, à peu près une famille moyenne. 800 euros. Khalas, on va aller au milieu, t'as tout 1000 euros. Donc 1000 euros. Donc il faut qu'il laisse 1000 euros à sa famille pour qu'il puisse subvenir à leurs besoins pendant son absence, jusqu'à ce qu'il revienne à eux. Donc au total, il a besoin de combien? De 6000 euros. Celui qui a 6000 euros, à ce moment-là, il rentre dans les moyens financiers, il a les moyens financiers d'aller faire le Hajj. Celui qui a moins que cela, il n'a pas les moyens d'aller faire le Hajj, et donc le Hajj n'est pas une obligation pour lui. Taïb. Donc ceci est la première des choses que contient ou qui rentre dans les moyens pour faire le pèlerinage. Les moyens requis pour faire le pèlerinage, donc la première des choses, ce sont les moyens financiers. Très bien. On a notre personne qui a eu ses 6000 euros, il a les moyens financiers. Baqiya al-shart ou al-amr thani wa huwa al-istita'at al-badaniyya. Les moyens physiques. Les moyens physiques. Donc pour faire le pèlerinage, il a besoin de moyens financiers. On a estimé cela à environ 6000 euros. Et il a besoin de moyens physiques. Et les moyens physiques, ce sont الاستطاعة البدنية هي أن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة ومن التنقل في المناسك. C'est-à-dire les moyens physiques. Les savants l'ont défini en disant que c'est qu'il soit capable de se déplacer pour arriver depuis son pays jusqu'à la Mecque, et qu'il soit capable de se déplacer pendant les rites du pèlerinage. Celui qui peut supporter le voyage et qui peut supporter la marche ou le fait de monter dans des transports, s'il est capable de cela, alors il aura eu là les moyens physiques d'accomplir le pèlerinage. Donc il faut que ces deux moyens soient regroupés pour que le pèlerinage soit une obligation sur la personne. Qu'il ait les moyens financiers et qu'il ait les moyens physiques. S'il manque un des deux, à ce moment-là, le pèlerinage n'est pas une obligation pour lui. Le pèlerinage n'est pas une obligation pour lui. Sajjaltum hadha, vous avez inscrit ceci dans vos cahiers? Fa innahu muhim, car ceci est très important. Comme ça tu sauras si demain si le hajj est une obligation pour toi ou pas. Et si le hajj est une obligation sur tes parents. Non. Tu regardes par rapport à ces deux types de moyens, les moyens financiers et les moyens physiques. Taïb. Al-martabatu thaniya al-iman. Le deuxième degré donc de la religion que nous avons cité, nous avons dit que la religion musulmane contient trois degrés. Le premier degré est le degré de l'islam, le deuxième degré est celui de l'iman, et le troisième celui de l'irsan, la perfection. Donc là nous rentrons donc dans le deuxième degré. Wa huwa al-iman, la foi. Tout d'abord, quelle est la définition de la foi chez les gens de la sunna? Quelle est la définition de la foi? Ba'adin, inshallah. Al-iman inda ahli sunnati wal jama'a. Al-iman inda ahli sunnati wal jama'a. وتصديق القلب أو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. La définition de la foi chez les gens de la Sunna est telle et la suivante. La foi chez les gens de la Sunna, c'est une croyance avec le cœur. Une croyance avec le cœur. Et une parole avec la langue. Et des actes avec les membres. Et des actes avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Allah. Et elle baisse avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle baisse avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi contient toutes ces choses. Ce sont cinq choses qui rentrent dans la foi, dans la définition de la foi chez les gens de la sunna. Cinq choses que tu ne dois absolument pas oublier. Une croyance avec le cœur. Une parole avec la langue. Et des actes avec les membres, elle augmente avec l'obéissance d'Allah et elle baisse avec la désobéissance à Allah. Wa ba'd al-ulama taysiran liman arada an yahfaz ta'rif al-iman 'inda ahli sunnah dhakara an al-iman 'inda ahli sunnah khams nunat. Khamsa nunat. Et donc certains savants, pour faciliter la mémorisation de ces cinq choses que contient la définition de la foi chez les gens de la sunna, certains savants ont dit que la foi chez les gens de la sunna contient cinq noun. Noun, yani la lettre noun en arabe. Faqalu al-iman i'tiqadun bil-janan. I'tiqadun bil-janan. Vous avez vu, à la fin, c'est un noun. Al-janan. Donc, c'est une croyance donc avec le cœur. Irtiqadun bil-janan. Là, ça, ce que je suis en train de dire, si vous voulez pouvoir le mémoriser, faut l'inscrire en arabe. Parce qu'en français, ça ne va plus le donner. Donc, al-imanu irtiqadun bil-janan. Irtiqadun bil-janan. Wa qawlun bil lisan. Et une parole avec la langue. Wa amalun bil arkan. Et des actes avec les membres. Yazid bi ta'ati ar-Rahman. Yazid بطاعة الرحمن. Elle augmente avec l'obéissance au tout miséricordieux. وينقص بطاعة الشيطان. وينقص بطاعة الشيطان. Et elle diminue avec l'obéissance au shaitan. Donc, celui qui mémorise ces cinq-là, il est tranquille après pour en ce qui concerne la définition de la foi chez les gens de la sunna. Taïb. والأدلة على هذا على هذا التعريف للإيمان عند أهل السنة كثيرة منها وهو أشمل أو أكبر دليل في هذا حديث الإيمان 70 شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان أو والحياء شعبة من الإيمان. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, et c'est une des preuves de cette définition de la foi chez les gens de la sunna, c'est le hadith, la plus grande preuve de cette définition, c'est le hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit la foi contient entre 73 et 79 branches. La foi contient entre 73 et 79 branches. La plus haute de ces branches est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, yani la plus basse de ces branches, est le fait de retirer un obstacle du chemin. De retirer un obstacle sur le chemin. Et la pudeur est une des branches de la foi. Et la pudeur est une des branches de la foi. هذا الحديث يبين أن الإيمان يشتمل على قول واعتقاد وعمل. Donc ce hadith il nous prouve que la foi elle contient une croyance, elle contient des paroles, elle contient des actes. Car le prophète nous dit, la foi contient entre 73 et 79 branches. Donc il nous parle de la foi. Puis il nous dit, la plus haute de ces branches, c'est la parole. La ilaha illallah. Donc, la parole rentre dans la foi. La parole la ilaha illallah rentre dans la foi. C'est une parole avec la langue. Et la plus basse de ces branches, c'est de fait de retirer un obstacle du chemin. Ça c'est un acte que tu fais avec tes membres. N'est-ce pas? Quand il y a un obstacle sur le chemin et que tu l'enlèves pour que les gens puissent marcher tranquillement, tu as fait un acte. Tu as agi avec tes membres, avec tes mains, avec tes pieds. Donc, cela prouve que les actes rentrent dans la foi. Les actes des membres rentrent dans la foi. Puis il dit, et la pudeur est une des branches de la foi. La pudeur c'est quoi? La pudeur c'est une qualité que certaines personnes ont, qui les pousse à avoir honte de faire quelque chose de mal. Quelque chose de mal aux yeux des gens. Donc c'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur. Car tu as honte. Tu as honte de faire certaines choses. Ceci est la pudeur. Donc on a vu donc dans ce hadith que la foi contient une parole avec la langue, des actes avec les membres et des actes dans le cœur. Taïb. Quelqu'un peut poser la question? Dans ce hadith, il n'a pas cité la croyance dans le cœur. Il nous a cité l'acte du cœur, qui est la pudeur, mais il n'a pas cité la croyance du cœur. Quelle est la réponse à cette ambiguïté. Je sais que vous êtes fatigué après une heure et demie de cours, mais il faut essayer de faire travailler un petit peu les cerveaux. Taïb, vas-y. Oui. Tu vas prononcer avec le cœur. Puisque le fait de prononcer la ilaha illallah, ça ne peut pas être bénéfique à celui qui le prononce, sauf s'il croit à cela au fond de son cœur. Lorsqu'il dit que la plus haute de ses branches est la parole la ilaha illallah. Donc il a prononcé avec sa langue la ilaha illallah. Mais le fait qu'il l'a prononcé avec sa langue ne pourra lui être bénéfique que s'il a la croyance de cela dans son cœur. Donc ça rentre, la croyance dans le cœur rentre sous la parole dans ce hadith. Taïb. Vous voyez, mashallah, quand quelqu'un il essaie de faire travailler son cerveau, à la fin il réussit à arriver à un résultat. Bi'ivnillahi ta'ala. Taïb. Donc ça, ce que nous avons cité, ce sont les preuves donc que la foi contient une croyance, des paroles et des actes. Très bien. Quelle est la preuve de l'augmentation de la foi et de la diminution de la foi? Car nous avons dit que dans la croyance des gens de la sunna, la foi augmente. Avec l'obéissance d'Allah, et elle diminue avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est évoqué. Et lorsque ces versets leur sont récités, ceci les fait augmenter en foi. Ceci fait augmenter leur foi. Et ce sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent des biens que nous leur avons octroyés. Ceux-là sont les véritables croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc dans ce verset, il nous a montré clairement que la foi augmente. Lorsqu'il dit, et lorsque ces versets, il y en a les versets d'Allah, lorsque ces versets leur sont récités aux croyants, cela les fait augmenter en foi. Cela fait augmenter leur foi. Et ces versets que j'ai cités montre également que la foi contient des paroles, des actes et une croyance. Très bien. Et également, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset nous dit: et lorsqu'une sourate est descendue, alors parmi eux, c'est-à-dire parmi les hypocrites, il parle des hypocrites, parmi eux, il y en a qui disent, qui parmi vous, sa foi augmente lorsqu'il entend lorsque ces versets sont descendus. Les hypocrites essayent de quoi? De semer la zizanie et de détourner les croyants de leur foi. Donc ils leur disent. Qui parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous dont la foi augmente lorsque ces sourates sont descendues? Alors Allah répond et dit: quant à ceux qui croient, quant aux croyants, eh bien, cela les fait augmenter en foi. Cela fait augmenter leur foi lorsque des sourates descendent, lorsque des nouvelles sourates sont descendues. Donc ceci sont des preuves de l'augmentation de la foi. Et parmi les preuves de la diminution de la foi, il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit, parmi les preuves de la diminution de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque parmi vous voit quelque chose de mal alors qu'il le réprimande par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le réprimande par sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il le réprimande par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Ceci est le plus bas degré de la foi. Donc ceci prouve que quoi? Que la foi des gens n'est pas égale. Et des fois, tu vas te sentir fort et tu vas interdire le mal. Et des fois, tu vas te sentir faible et tu vas laisser le mal et tu vas le mépriser simplement dans ton cœur. Donc ceci est une preuve que la foi diminue. Et également le hadith dans lequel le prophète sallam dit: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-saliqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Al hadith. Et dans un autre hadith, le prophète sallam nous dit: Le fornicateur ne commet pas la fornication tout en étant totalement croyant. C'est-à-dire que quoi, que lorsqu'il a commis la fornication, sa foi a baissé. Et également, le voleur ne vole pas au moment où il vole, tout en étant totalement croyant. C'est-à-dire que lorsqu'il a volé, sa foi a diminué. Il n'est plus un croyant d'une foi totale, mais il a un degré moindre. Donc ceci sont des preuves de la diminution de la foi. Sur ce, nous en avons fini avec les preuves sur cette définition de la foi. Et là, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, a rapporté une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Une parole qui te donne une définition de la foi qui demande réflexion. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité cette définition de la foi dans son livre qu'il a appelé Al-Fawa'id, les leçons intéressantes. Yaqul Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala: Al-Iman haqiqatun murakkabatun. C'est-à-dire la foi est une réalité qui est composée de plusieurs choses. Qu'il va te détailler d'ici peu. Donc la foi est une réalité qui englobe plusieurs choses. Haqiqatun murakkabatun min ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ilma. Donc la foi est une réalité se composant de la connaissance de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, tu connais ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Murakkabatun min ma'rifati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ilma wa tasdiquhu 'aqda. Donc se composant de la connaissance de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux pour que ce soit plus facile, tu peux mettre un petit 1 devant cela. Donc, qui se compose donc de la connaissance de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petit 1. Petit 2, et de la croyance à cela avec son cœur. Tu as su ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as connu le Coran et la Sunna, puis tu y crois avec ton cœur. Tu crois au Coran et tu crois à la Sunna. Et tu crois qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc se composant de la connaissance de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y croire avec son cœur. Wal iqraru bihi nutqa. Et de le reconnaître avec sa langue, en le prononçant avec sa langue. Et de le reconnaître en le prononçant avec sa langue. On en est au petit 3 donc, de le reconnaître en le prononçant avec sa langue. والانقياد له محبة وخضوعا. Et de s'y soumettre, de se soumettre à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour et humilité. Ça c'est le petit 4. De s'y soumettre par amour et humilité. والعمل به ظاهرا وباطنا. Et de l'appliquer extérieurement et intérieurement. والدعوة إليه بحسب الإمكان. Et en y appelant en fonction des capacités, en fonction de ses capacités. Donc ça comprend ces six choses. La connaissance, petit A, la connaissance de ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Petit 2, le fait d'y croire. Petit 3, le fait de le reconnaître en le prononçant avec sa langue. Petit 4, le fait de s'y soumettre par amour et humilité. Petit 5, le fait de l'appliquer extérieurement et intérieurement. Petit 6, le fait d'y appeler en fonction de ses capacités. Puis il continue, Ibn al-Qayyim, et il dit وَكَمَالُهُ et son summum, le summum donc de la foi, le summum de la foi فِي الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْدِ فِي اللَّهِ et son summum à la foi se trouve dans le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Se trouve dans le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et de donner pour Allah et d'interdire pour Allah. Et qu'Allah soit son seul Dieu et la seule chose qu'il adore. Celui qui aura ça, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Et il donne pour Allah, et il l'interdit pour Allah. Et Allah est le seul, et la seule chose qu'il adore, cette personne-là aura atteint le summum de la foi. Puis Ibn al-Qayyim te donne le chemin qui va te mener à la foi. Et il te dit, وَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ et le chemin t'y menant, et le chemin t'y menant, tajridul mutaba'ati li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina. Et le chemin t'y menant, c'est que tu te contentes de suivre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu te contentes de suivre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam extérieurement et intérieurement. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personne que tu suives totalement dans tout ce qu'il a dit et fait. Donc wa tariqu ilay tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan وتغميض عين القلب عن الالتفات الى ما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et le fait que ton cœur ne se détourne pas d'Allah et de son prophète. C'est-à-dire que ton cœur ne regarde que Allah subhanahu wa ta'ala. Ne recherche que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu limites ta volonté à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète t'ont demandé. Donc celui qui va suivre la sunna dans toute chose et qui ne va rechercher que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter le chemin de la foi. Et il va lui augmenter sa foi. وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانِ et voilà la définition de la foi. الْإِيمَانِ الْمُرَكَّبِ la foi composée de plusieurs choses, qui sont toutes ces choses que nous avons citées. إن شاء الله سننتهي سريعا. On va terminer rapidement ce deuxième fondement, car je veux essayer de le finir pour pouvoir demain terminer donc le troisième fondement, pour que la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala, samedi prochain à 17h, mais on vous reconfirmera, demain on vous reconfirmera cela, samedi prochain à 17h donc, il y aura le concours. Il y aura le concours avec des cadeaux pour les meilleurs d'entre vous. Des cadeaux pour les meilleurs d'entre vous. Et bi'iznillah, yani, je pense que yani, ça va vous motiver. Et comme nous avons dit, ce concours donc sera sur deux livres. Sur l'explication de deux livres que nous avons fait, hein, sur deux cours que nous avons fait pendant ce séjour. Le premier livre, donc, qui est celui-ci, les trois bases, ou les trois fondements, Al-Usul Salasa. Donc les questions seront sur ce livre et sur son explication que nous avons donnée en fonction des notes que vous avez prises. Et également le deuxième livre qui est les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed. Usul Sunna de l'imam Ahmed, qui est le cours que nous donnons dans les jours de la semaine, du lundi au vendredi après l'Asr. Donc les questions seront sur ces deux livres-là et sur leur explication. Taïb. Donc c'est pour cela que je vais essayer de terminer ce deuxième fondement, bi'iznillah. Donc je vous demande de patienter encore un petit peu. Kama qala Sheikhu Sheikhi Shuyukhina, comme a dit le Sheikh des chiens de mon chien. Naam. Le chien. Hein. Le professeur des professeurs de mon professeur disait, en ce qui concerne l'ilm, Ya talib al-ilm la tabari bihi badalan, faqad zafirta wa rabbi al-lawhi wal qalami. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي لو يعلم وجهت بعزم قوي لانثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينامي. Donc il disait, ô étudiant en science, ne cherche rien en échange de la science, ne recherche rien en échange de la science, car par Allah, tu as certes obtenu un grand gain. Et respecte la science et honore sa valeur dans la parole et dans l'acte, et aie un bon comportement, et efforce-toi sans faiblir, car si l'homme connaîtrait la valeur de la science, il ne dormirait pas. Si l'homme connaîtrait la valeur de la science, il ne dormirait pas. Hein? Inch'Allah, vous patientez encore un petit peu, bi'iznillahi ta'ala. Et si vous avez chaud, فَقُلْنَا رَدِهَنَّمَا أَحْشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si vous avez chaud, eh bien je vous rappelle la parole d'Allah dans laquelle il dit, dis-leur, la chaleur de l'enfer est plus intense si seulement ils savaient. Taïb. Fayaqulu l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa arkanuhu sitta. Donc là il va nous parler des piliers de la foi. Il nous a parlé en ce qui concerne le premier degré, il nous a parlé des piliers de l'islam, et là il va nous parler des piliers de la foi. Arkanul iman. Il nous dit que les piliers de la foi sont au nombre de 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi. C'est que donc tu crois en Allah. 1. En ses anges. 2. En ses livres. 3. Les livres qu'il a révélés. En ses messagers. 4. Au jour dernier 5, et au destin bon et mauvais 6. Voilà les 6 piliers de la foi. De croire en Allah, qu'il est le seul Seigneur, et qu'il est le seul Dieu, le seul qui doit être adoré, et qu'il a les noms les plus parfaits, qu'il a les noms les plus beaux, Afwan, qu'il a les noms les plus beaux et les qualités les plus parfaites. Qu'il a les noms les plus beaux et les qualités les plus parfaites. La foi en Allah englobe ces trois choses. car elle englobe le tawhid en entier. Et le tawhid est composé de ces trois choses. Le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur, créateur de tout cet univers, qui détient tout cet univers, qui gère tout cet univers. Et de reconnaître qu'il est le seul Dieu, c'est-à-dire le seul qui doit être adoré. Il est le seul vrai Dieu. Le seul qui doit être adoré, qui mérite d'être adoré. Et de reconnaître qu'il a les noms les plus beaux et les qualités les plus parfaites. Et que tu crois donc en ses anges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges qui lui obéissent et qui font tout ce qu'il leur dit, qui font tout ce qu'il leur ordonne. Les anges ne peuvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne font rien avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur ait ordonné. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Non. Ils ne le devancent pas. Non. Ils ne le devancent pas par la parole. Et ils obtempèrent à ses ordres. Allah nous dit. En ce qui concerne les anges. Donc les anges sont des créatures qu'Allah a créées, mais qui ne peuvent pas lui désobéir et qui sont à ses ordres. Et ils ont plusieurs fonctions. Et ils ont des ailes. Ils ont des ailes, comme ceci est cité dans le Coran et dans les hadiths. Que les anges ont des ailes. وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ الْمَلَائِكَ. Et quel est le meilleur des anges? Jibril. Jibril, alayhi salam. L'ange Gabriel, comme les chrétiens l'appellent. Jibril, alayhi salam. Qui est l'ange qui est responsable de la révélation. C'est lui qu'Allah envoie vers les prophètes pour les révélations. Et parmi les anges également, parmi les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mikaël, l'ange Mikaël, wa huwa muwakkalun bil qatri wa sahab, et il est responsable de la pluie et des nuages et de la végétation. Wa kadhalik min al malaikati al azam Israfil, également parmi les grands anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Israfil, qui est celui qui est chargé de souffler dans la trompe pour la fin du monde et pour la résurrection. Naam. Donc ces trois anges-là, Jibril, wa Mikaïl, wa Israfil, sont les trois anges les plus. Sont les trois meilleurs anges et les trois anges les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des anges, après cela, il y a des anges qui sont chargés de tenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des anges qui sont chargés d'inscrire les actes des hommes. Et il y a des anges qui sont chargés de protéger les hommes. Et il y a des anges qui sont chargés de prendre l'âme de l'homme, l'ange de la mort et ceux qui sont avec lui pour l'aider. Et ce que certains disent comme quoi l'ange de la mort s'appelle Azraïl, ceci n'est pas authentique. Il y a un hadith qui parle de cela, mais le hadith n'est pas authentique. Donc nous ne connaissons pas le nom de l'ange de la mort. Donc il y a l'ange de la mort et ceux qui sont avec lui, et ceux qui sont avec lui pour prendre l'âme des êtres humains. Et il y a beaucoup d'autres anges. Il y a beaucoup d'autres anges. والإيمان بالكتب. Le troisième pilier de la foi aux livres qu'Allah a révélés. Les musulmans croient à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Tous les livres célestes, nous y croyons. Parmi les livres célestes que, dont nous connaissons les noms, il y a la Torah. La Torah qui a été révélée à Moussa, alayhi salam. Il y a l'évangile, l'injil, qui a été révélé à Isa, alayhi salam. Il y a les psaumes, les zabour, qui ont été révélés à Daoud, alayhi salam. Les zabour, les psaumes de David, de Daoud, alayhi salam. Il y a le Coran, le Coran, qui a été révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des livres, ces quatre livres, ce sont des livres dont nous connaissons les noms. وَكُلُّهَا كَلَامُ اللَّهِ Et ce sont toutes la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, ces quatre-là sont la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce n'ont pas été créés. Et ils n'ont pas été créés. Mais ce sont la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a prononcée. Cependant, il y a une différence entre le Coran et les autres livres qui ont été révélés auparavant. À savoir que les autres livres, Allah subhanahu wa ta'ala en avait confié la garde aux croyants de leur époque. Allah avait confié aux juifs la garde de la Torah. Il avait confié aux chrétiens la garde de l'évangile. Et il a également confier la garde des psaumes de David aux enfants d'Israël, les juifs. Mais ils ont modifié ces livres. Al-Yahoud wa al-Nasara harrafu kutub Allah azza wa jal. Wa zadu fiha wa naqasu minha. Donc les juifs et les chrétiens ont modifié, ont falsifié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ont falsifié la Torah, l'évangile et les psaumes. De telle sorte qu'ils nous ont rajouté des paroles et ils ont enlevé certaines paroles. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا نَسْتَطِعَ النَّاسِقَ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ فِي زَمَنِنَا هَذَا لِأَنَّنَا مَا نَدْرِي هَلْ كَانَ فِي الْكِتَابِ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ. Et c'est pour cela que nous ne pouvons donc pas avoir confiance à ce qui est aujourd'hui écrit dans la Torah ou dans l'Évangile ou dans les psaumes de Daoud alayhi salam, car nous ne savons pas si cela faisait partie du livre original, ou bien est-ce que cela a été rajouté ou enlevé. Amma al-Qur'an, quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté lui-même garant de le préserver. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui le protégeons, c'est nous qui le préservons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la surat Al-Hijr, surat numéro 15, dans la première page. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le préservons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant lui-même de préserver le Coran contre toute falsification. Le Coran est infalsifiable. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا Et la preuve de cela, فِي الصَّلَاةِ Lors de la prière. إذا أخطأ الإمام إذا حذف كلمة أو حرف واحد فإن من وراءه من المأمومين يذكرونه بما نسي. Et la preuve de cela que le Coran est infalsifiable, c'est que lorsque nous sommes en prière et que l'imam récite une sourate, puis qu'il oublie un mot ou même ne serait-ce une seule lettre. Il oublie un mot ou une seule lettre du Coran. Si l'imam oublie une seule lettre du Coran dans la prière, tout de suite vous allez voir parmi ceux qui prient derrière lui, ceux qui vont lui rappeler qu'il a oublié cette lettre ou qu'il a oublié ce mot. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran. Allah a préservé le Coran par la mémorisation dans les cœurs et par son inscription sur des parchemins. Donc le Coran est préservé à l'écrit et à l'oral. De telle sorte qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de venir et de rapporter une sourate ou un verset, ou d'enlever une sourate et un verset, sans qu'il ne soit démasqué. Et c'est pour cela que je vous raconte une petite histoire qui s'est passée à l'époque ancienne. Un juif qui vivait donc dans un pays musulman, dans lequel il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens, est parti dans un marché. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit un évangile. Il a écrit un évangile que les chrétiens donc suivent. Il a écrit un évangile et il a modifié des paroles dans l'évangile. Il a recopié l'évangile, mais en faisant des modifications. Puis, il en a fait plusieurs exemplaires qu'il a mis sur le marché. Et il a vu que les mois sont passés et il n'y a eu aucune réaction. Il a vu que ces évangiles se propageaient, se vendaient et il n'y avait aucune réaction. Bon. Il a voulu faire la même chose avec le Coran. Il a recopié le Coran en plusieurs exemplaires, et il a rajouté des paroles et il a enlevé des paroles. Puis il a mis sur le marché. Il a mis tous ces exemplaires sur le marché. À peine avait-il posé ses livres, ses Corans falsifiés sur le marché, il n'était même pas encore sorti du marché que déjà il se faisait courir après. Les gens lui couraient après pour lui dire que tu es un menteur, tu as voulu falsifier le Coran. Ceci est une histoire vraie. Et lorsque les gens lui ont dit pourquoi tu as fait ça, il a dit j'ai voulu voir s'il a réussi vraiment votre Coran est vraiment protégé contre toute falsification et je vois que vraiment il est protégé contre toute falsification et c'est pour ça que Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est pour cela que je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être adoré à part Allah et que Mohammed est son messager. Et il s'est converti à l'islam. Donc, je disais que le Coran, contrairement aux autres livres, a été préservé contre toute falsification. Et également, une différence qu'il y a entre le Coran et les autres livres, c'est que les autres livres, la Torah, l'Évangile et les psaumes, n'ont été révélés que pour les peuples vers qui les prophètes ont été envoyés. Alors que le Coran a été révélé pour toute l'humanité, pour tous les djinns et les hommes, tous, et non pas, il n'est pas spécifique aux Arabes. Le Coran n'a pas été spécialement révélé pour les Arabes, mais il a été révélé pour toute l'humanité. Contrairement aux livres qui l'ont précédé, la Torah était spécifiquement adressée aux Juifs, et l'Évangile spécifiquement adressé aux chrétiens. Et également le Coran, حتى لو قلنا إن هذه الكتب السابقة سلمت من التحريف فإن القرآن نسخها فلا يقبل الله عز وجل دينا غير الدين الذي جاء به القرآن. Donc, et même si on dirait que les livres précédents ont été préservés de toute falsification, eh bien, le Coran, quoi qu'il arrive, est venu abroger les révélations précédentes. Et c'est pour cela qu'il est une obligation au jour d'aujourd'hui pour toute l'humanité de suivre la religion avec laquelle est venu le Coran. De suivre le Coran. Et toute personne qui vient avec une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants, parmi les gens de l'enfer, éternellement. Fût-il juif ou chrétien. Comme le prophète Sam dit, « Walladhi nafsi biyadi » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète me disait, par celui qui détient mon âme entre ses mains, nul n'entend parler de moi, fût-il juif ou chrétien, puis qui ne croit pas au message avec lequel je suis venu, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Celui qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et au message avec lequel il est venu, c'est-à-dire le Coran, celui qui ne croit pas au prophète Mohammed sallam et au Coran et à la Sunna, eh bien cette personne-là ira en enfer éternellement, même s'il est juif ou chrétien et qu'il prétend suivre son prophète. ثم الإيمان بالرسل puis la foi au messager, au prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Car Allah a envoyé dans chaque peuple un messager, un prophète, pour leur dire d'adorer Allah uniquement et de délaisser l'adoration des fausses divinités. Donc tous les prophètes avaient le même message en ce qui concerne les bases de la religion, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Ceci était le message de tous les prophètes. Donc nous croyons à tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Min awwalihim, depuis leur premier qui était Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui mécroit à un seul prophète, c'est comme s'il avait mécru à tous les prophètes. Celui qui prétend croire à Muhammad, mais qui dit moi je ne crois pas à Isa, je ne crois pas à Moussa, je ne crois pas à Nuh, je ne crois pas à Ibrahim, je ne crois pas à Sulayman, je ne crois pas à Daoud, et ainsi de suite et ainsi de suite, cette personne-là est un mécréant, même s'il dit qu'il croit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons croire à tous les prophètes qu'Allah a envoyés, ceux dont nous connaissons les noms, car Allah nous les a cités dans le Coran, et ceux dont nous ne connaissons pas les noms, nous disons qu'Allah a envoyé des prophètes dans chaque peuple. Il y en a donc nous, dont nous connaissons les noms, comme ceux que j'ai cités, et il y en a dont nous ne connaissons pas les noms. Et les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, les a envoyés non pas pour que nous les adorions. Ce ne sont pas des dieux, ou ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des hommes, des êtres humains comme nous, faits de sang et de chair. Ce sont des êtres humains comme nous, qu'Allah a favorisés et privilégiés en leur accordant la prophétie. Donc ce sont des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne la transmission du message. Et ce ne sont pas des intermédiaires entre nous et Allah en ce qui concerne l'adoration. En ce qui concerne l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala directement. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas besoin de prendre un intermédiaire qui va invoquer Allah pour toi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne l'adoration. Mais il y a un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne la révélation. Et ce sont les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses prophètes afin que ses prophètes nous transmettent le message. Donc ils sont un intermédiaire dans la transmission du message. Un point, c'est tout. Et non pas plus que cela. Donc, ils ont un mérite et une valeur que nous devons respecter. Nous n'avons pas le droit d'insulter un prophète, peu importe qui soit-il. Du moment que c'est un prophète, nous n'avons pas le droit de l'insulter. Nous n'avons pas le droit de le critiquer. Nous n'avons pas le droit de le dénigrer. Nous n'avons pas le droit de nous moquer de lui, comme le font certains comiques au jour d'aujourd'hui. Les Jamel Debbouze et les Dieudonné et autres qui se moquent des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-muslimun nagharu ala anbiya illahi azza wa jal. Walau salima Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min sukhiyati haula, nahnu la narda an yuskhar bi ahadin min al-anbiya. Même si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait été à l'abri des moqueries, barakallahu fik. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été à l'abri des moqueries de ce genre de personnes, nous n'accepterions pas qu'il se moque d'un autre prophète. Que ce soit Moussa, ou que ce soit Isa. Celui qui se moque de Moussa ou d'Isa, nous le détestons. Tout comme nous détestons celui qui se moque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car nous les musulmans, المهم يعني nous les musulmans يعني nous reconnaissons la valeur des prophètes et nous n'acceptons aucun dénigrement à aucun des prophètes aussi petit soit ce dénigrement. Donc les gens comme Jamel Debbouze et Dieudonné, qu'ils arrêtent. Wa illa yukhsha alayhim 'idam mi'uqubati Allah 'azza wa jalla. Ou sinon, on craint pour eux qu'ils soient touchés par un immense châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yadhhak. Et celui qui rigole en entendant certaines de leurs moqueries sur des prophètes, yukhsha alayhi min al-kufr billah 'azza wa jalla wa al-khuruj min al-islam. Et celui qui rigole lorsqu'il entend certaines de leurs moqueries sur des prophètes, lorsqu'il voit certains de leurs sketchs dans lesquels ils se moquent de certains prophètes, la personne qui rit de cela, on craint qu'il soit sorti de l'islam. On craint que ce soit un mécréant. Car celui qui se moque d'un prophète, celui qui se moque d'Allah, ou qui se moque d'un prophète, ou qui se moque de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là est un mécréant. Cette personne-là est un mécréant, même s'il prétend être musulman. Donc faites attention à cela. Et propagez dans vos familles, à vos proches et à vos amis, et aux jeunes de cité, que quoi ? Qu'il ne faut pas se moquer des prophètes et qu'il ne faut pas rire lorsque des gens se moquent des prophètes. Comme les gens que j'ai cités, comme Jamel Debbouze et Dieudonné. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la foi au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une supériorité par rapport aux autres prophètes, c'est-à-dire que lui a été envoyé à toute l'humanité alors que les autres prophètes n'ont été envoyés que vers leur peuple. Et également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie a abrogé les prophéties précédentes et les messages précédents. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'est accepté aucune religion à part la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est permis à personne de délaisser sa religion et de suivre une autre religion et un autre message. Puis la foi au jour dernier. Le cinquième pilier, la foi au jour dernier. La foi au jour dernier comprend plusieurs choses. Elle comprend la foi en la mort. La foi en la mort. Et également, la foi à l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, el-barzakh en arabe. L'entre-deux-mondes. C'est-à-dire lorsque la personne est dans sa tombe. Ce n'est pas encore le jour de la résurrection. Et il y a la vie terrestre existe encore. Le monde terrestre existe encore et le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Mais ceux qui sont dans leur tombe, ni ils ne sont sur terre et ni ils ne sont au jour de la résurrection. Donc ils sont dans l'entre-deux-mondes, ce qu'on appelle l'entre-deux-mondes, el-barzakh. Donc le fait de croire au jour dernier, ça comprend le fait de croire à cela aussi, qu'il y a un entre-deux-mondes. Et qu'il y a un châtiment dans la tombe, et un bienfait, un châtiment pour les mécréants et les désobéissants, et un bienfait pour les croyants et les pieux. Et également, entre dans la foi au jour dernier, le fait de croire à la fin des temps, à la fin du monde. Le fait de croire à la fin du monde, et les signes précurseur de la fin du monde. Et également, entre dans la foi au jour dernier, le fait de croire à la résurrection. À la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter toutes les créatures afin de les juger. Et le fait de croire au rassemblement, que les gens vont tous se rassembler sur une terre. Ils vont attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci entre également dans la foi au jour dernier. Et le fait de croire au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, et à tout ce qu'il y aura ce jour-là, tout cela entre dans la foi au jour dernier. Et entre dans la foi au jour dernier également le fait de croire au paradis et à l'enfer. Et qu'ils sont déjà créés, qu'ils existent déjà. Le paradis et l'enfer existent déjà. Mais les gens n'y entreront qu'au jour dernier, qu'après la résurrection et le jugement. Tout ceci entre dans la foi au jour dernier. Et le sixième et dernier pilier de la foi au destin bon et mauvais. La foi au destin bon et mauvais. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui va se passer sur terre jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entrent en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui va se passer. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Tout ce qui s'est passé depuis la création, depuis le début de la création. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui s'est passé depuis le début de la création. Et il sait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de la création et jusqu'à ce que les gens entrent au paradis, pour ceux du paradis, et en enfer pour ceux de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala à la science de tout cela, de tout ce qui va se passer. Et rien ne se passe sur terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache, avant que cette chose n'arrive. Et également la foi au destin, bon et mauvais, implique le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes ces choses dans la tablette gardée auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit dans la tablette gardée tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que les gens entrent au paradis et en enfer. Et également, troisième chose dans laquelle rentre dans la foi au destin, le fait de croire et d'avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui s'est passé et veut tout ce qui se passe et voudra tout ce qui se passera. Il veut tout cela, il l'a voulu, que les choses se passent ainsi. Il a voulu que tu fasses partie des croyants. Et il a voulu que Robert fasse partie des mécréants. Il a voulu tout cela. Comment il l'a voulu? Car il a su que ça allait se passer ainsi. Donc il a voulu que les choses se passent telles qu'il les a su. Ce n'est pas lui qui a forcé Robert à être mécréant. Robert a choisi d'être mécréant. Ne me demandez pas c'est qui Robert, c'est une personne imaginaire. Donc, donc je disais que Allah subhanahu wa ta'ala a su que cette personne allait être mécréante. Et il a écrit et il a voulu que les choses se passent ainsi. Il n'a pas voulu changer cette chose-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala te laisse le chemin que tu veux. Il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné le choix entre faire le bien et faire le mal. Entre suivre la religion et ne pas suivre la religion. Il t'a laissé ce choix. Il t'a laissé ce choix, donc à toi de choisir lequel des deux chemins tu désires. Est-ce que tu veux le chemin du paradis ou le chemin de l'enfer ? Et selon ce que toi tu choisiras, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera ton chemin. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, agissez car chacun lui sera facilité ce pour quoi il a été créé. Et également dans la foi au destin entre le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, Allah subhanahu wa ta'ala le crée. Allah l'a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous et ce que vous, vous et ce que vous faites, vous et vos actes. Allah nous dit dans le Coran. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nous dit dans le Coran. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites, c'est-à-dire vos actes. Il a créé vos actions. Donc tout ce qui se passe sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et le jour de la résurrection, il va juger chaque personne pour ce qu'elle aura fait. Pour ce qu'elle aura fait. Donc quiconque aura fait du bien aura la récompense du bien, et quiconque aura fait du mal aura la récompense du mal. Donc à toi de choisir le chemin du bien et à te détourner du chemin du mal si tu veux avoir le bonheur sur terre et dans l'au-delà. ثم قال الإمام والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Donc la preuve sur ces six piliers qui sont les piliers de la foi, c'est le verset dans lequel Allah SWT nous dit: la religion, la bienfaisance, n'est pas simplement de tourner vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais la bienfaisance, c'est de croire en Allah, au jour dernier, en ses anges, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes. Là, il nous a cité cinq piliers. La foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés, et aux prophètes. Et le sixième, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah l'a pris dans notre verset, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes, nous avons créé toutes choses avec prédestination. Certes, nous avons créé toutes choses avec prédestination. C'est-à-dire, nous avons prédestiné toutes choses. Wa la'allana naqifu ala hadha. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.